Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler avec un maire qui doit certainement être fier de lui, certainement fier de sa gang, c'est le maire de Desbiens, Nicolas Martel. Nicolas Martel et son équipe, parce qu'il faut le dire, et tous les concitoyens de Desbiens ont réussi le championnat du monde de pétanque, et on lui parle. Salut Nicolas. Oui, bonjour Dan. Nicolas, j'ai raison de dire que c'est pas juste Nicolas Martel, mais c'est toute l'équipe et tous les citoyens. Moi, je suis allé à Desbiens, je suis allé au championnat du monde, puis j'ai vu une population extrêmement fière. Est-ce que je me trompe en disant ça? Écoute, c'est sûr que ça, on ne peut rien faire. Donc, oui, effectivement, tu as entièrement raison. C'est une belle mobilisation citoyenne qu'on a déjà à la semaine. On a payé 45 pays qui venaient d'un peu partout à travers le monde. Donc, les citoyens de Desbiens se sont mobilisés. Et pour eux, il y avait des bénévoles de partout à travers le lac Saint-Jean. On parle de Saint-Élysée, Robert-Val, Almoche, on avait des bénévoles, et des bénévoles de partout qui nous ont aidés. Donc, je tiens à lever mon chapeau à tout le monde qui a travaillé avec nous pour faire de cet événement une réussite. Comment vous étiez, Nicolas, de bénévoles? Est-ce que vous saviez? On était près de, à au moins de 200 bénévoles. OK, donc c'est une bonne gang, puis ça prenait toute une logistique. Puis la logistique était bien rodée. Ce que j'ai vu, là... La logistique était bien rodée pour une première édition, là. C'était l'équipe, ça avait l'air de savoir où ça en allait. Ben, je dirais qu'on a eu, à chaque matin, on avait des réunions des différents comités. Chaque matin, on regardait ce qui avait moins bien fonctionné pour l'améliorer chaque jour. Donc, effectivement, on avait une structure qui était très efficiente. On avait beaucoup de sites à gérer. Le samedi, il y avait comme trois endroits. Il y avait la pétanque. Il y avait les sites aussi, en plus le site de Marina de la pétanque, donc avec le pédalo, pardon. Ça faisait en sorte que ça demandait beaucoup de gestion, mais avec une bonne structure de travail, une efficacité hors pair, on a su relever le défi. Ben Nicolas, moi, je te dis chapeau. Ben moi, j'y ai cru. Tu sais, je t'écoutais. Je t'écoutais un peu partout, disais, il y a beaucoup de monde qui ont ri. Moi, j'ai jamais ri de ça. J'ai été impressionné plutôt comme une petite ville avait fallait avoir du cran puis du guts pour aller chercher ça. Puis chapeau, franchement. Puis je pense que à quelque part, aujourd'hui, tu reçois les éloges. Est-ce que tu es content pareil? Ben écoute, moi, je suis très content comme tu m'as donné. Effectivement, toi, tu es un de ceux qui l'écrit parce qu'on s'est parlé souvent avant l'événement. Moi, je travaille avec la pétanque. Je voyais ça en Europe, je voyais ça dans les autres pays. Je savais qu'en amenant ça ici, ça allait fonctionner parce qu'il y a 300 000 adeptes au Québec. En fin de semaine, j'ai vu ce monde de partout, Montréal, en Ontario, Saint-Jean-sur-Richelieu. Les gens qui venaient nous voir, ils étaient contents d'être là, d'assister au championnat mondial de pétanque. Moi, j'ai pas eu le temps de voir de match, à part le match de la finale, parce que je devais être présent comme un peu la partie protocolaire, puis j'ai pu assister au match de la finale. J'ai été vraiment, vraiment impressionné de ça, là, de voir tout l'engouement. Ça, un coup d'écouter un match, ça donne le goût. Ça fait deux jours, j'ai le goût de sortir des boules de pétanque et de me mettre à jouer à pétanque. Non, moi, je me mettrai pas à jouer à pétanque, moi, personnellement, mais ça, c'est un choix personnel. Mais moi, comment vous avez été... C'était impressionnant de voir une petite municipalité toute se mobiliser, puis la fierté, c'est ça que je retiens de tout ça. Puis... Ouais, regarde, aujourd'hui, là, j'ai fait le tour des sites Internet. Je suis allé en Europe, je suis allé partout. Et on en parle dans des sites comme le Figaro. On parle de Desbiens dans des sites comme BFM TV. Également Eurosport. Pour les gens qui connaissent les médias en Europe, là, c'est pas rien, là. C'est des très gros sites Internet. Eurosport, c'est à peu près l'équivalent, je te dis, ils diffusent partout en Europe le sport. Et le mot Desbiens circulait partout. Moi, là, j'ai vu plus d'une vingtaine de sites européens. Puis, comme tu sais bien, les magazines comme le Figaro, c'est très, très gros. Ça donne toute une visibilité à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la ville de Desbiens. Je savais qu'au départ, en diffusant, nous, en plus, on diffusait la partie sur la partie en Europe avec la télévision Quarterback. Juste sur YouTube, la partie a déjà été consultée plusieurs milliers de fois. Ça va aller très, très loin en plus. On voit le site, on voit l'organisation. Écoutez, c'est toute une visibilité de la région. Hier soir également, après mon travail, j'étais à Cage au Sport à Alma, puis les employés me parlaient qu'il y avait eu de l'achalandage toute la fin de semaine, tous les gens qui étaient à la pétanque. Donc, c'est des retombées vraiment importantes pour la région. Puis la visibilité est incroyable. Les pays, je peux vous dire que les pays m'ont tous dit qu'ils voulaient revenir au lac Saint-Jean. Ben, ça oui. Donc, oui, on va en parler de ça. Écoute, moi, j'avais fait les Jeux du Québec l'année passée. J'ai couvert les Jeux du Québec à Alma. Puis beaucoup de monde disait, les touristes disaient, on va revenir comme touristes. Est-ce que tu as entendu ça en fin de semaine? Écoute, toute la fin de semaine, puis j'ai parlé à toutes les délégations, une après l'autre. Puis ils ont cité unanimes. C'est pas que c'est targué ou se vanter, mais ils ont dit, c'est le plus beau championnat mondial qu'on a jamais vu. Il y en a qui n'avaient fait une 10, 12. Puis des championnats, des champions d'Europe, des championnats européens, ils ont mentionné que, wow, la piscine a bien fait, puis toute la partie spectacle qu'on a greffée ensemble avec Québec Sim. Québec Sim, ça a été hors pair, tellement que la Fédération de pétanque leur a demandé d'aller en France pour faire des spectacles lors de leur événement. Donc, ça va les mettre sur la map, parce que Québec Sim n'a pas été en France, donc si je me trompe bien. Donc, à quelque part, ça va avoir fait des petits... Puis moi, Nicolas, là, où est-ce que je te félicite, là, c'est que, écoute, j'ai essayé d'organiser l'an passé dans une idée, puis on s'est fait dire, on n'a pas les moyens, on n'a pas les ci, on n'a pas les ça. Ben, tabarouette, toi, t'avais toutes les raisons de dire on n'a pas les moyens d'organiser le championnat du monde. Ben, ça aurait été beaucoup plus facile de dire ça. Mais au contraire, vous êtes botté le derrière, puis vous l'avez fait. Puis aujourd'hui, vous devez être fier de ça. Là. C'est ça que j'en retiens le plus. Là. Et je peux te dire, ça n'a pas été facile pour la finale. Ben non. Parce que ça m'a pris du temps avant. Le premier qui était cru au projet, c'est M. Philippe Couillard. Là, on dit 115 000 à la table. À partir de là, ça a débloqué les autres. Parce que les gens avaient une mauvaise compréhension de ça. Mais ce que je me dis, c'est en plus d'être une petite ville de 1100 habitants, quand tu fais de quoi un projet à une petite ville, c'est toujours plus dur qu'une grande ville. Si ça aurait été une grande ville, je suis certain que le fédéral a rembarqué. Parce que le fédéral, nous, on n'a rien eu d'eux. On a eu zéro. Si ça aurait été, mettons, Allemagne ou Chicoutimi, c'est certain que le fédéral arrêtait là. Mais pour nous, ils n'ont pas été là. Puis c'est une partie déplorable de l'événement. Ben, quelque part, il va peut-être en payer le prix à un moment donné, ce gars-là. Parce que moi, je l'ai dit, Richard Hébert, c'était diffusé en Europe, c'est en direct. Donc, essaye de trouver une compétition qui ramène autant de visibilité pour la région. Malheureusement, il n'y en a pas. Hey, je veux te parler du championnat du monde de pédalo. On n'a pas parlé beaucoup du championnat du monde de pédalo. C'était fait comme quoi? C'était-tu un championnat du monde sérieux ou c'était pour s'amuser? Mais le pédalo, c'est toujours la partie ludique de notre festival. On l'appelle championnat du monde parce que les gens de la place, les gens des environs peuvent choisir un pays, puis ils prennent un pays, puis ils font du pédalo. C'est une superbe de compétition. Il y a eu 26 équipes participantes, 14 à relève, 12 en compétition senior cette année. On a eu un peu moins que l'année passée. C'est sûr que le focus était mis ailleurs cette année beaucoup. Mais le pédalo, c'est une affaire qui a la peine et deux encore là. Mais on a du championnat mondial. On est la seule place au monde qui a une course de pédalo. Moi, je vérifiais partout. Il n'y en a pas des courses de même de pédalo. Mais je peux vous dire de quoi les gens ont du plaisir. Et en même temps, physiquement, c'est quand même ardu. Parce que faire trois tours de pédalo quand il fait 28 degrés, puis faire à peu près un kilomètre pour un temps à pédalo, ça avance pas vite à pédalo. Là. Donc, les coureurs ont fait des super de belles compétitions. On a eu beaucoup de plaisir. MC Gilles, qui est trop mal était sur place, ils ont fait des rires justement avec nos affaires lors du pédalo. Donc, ça va être encore une belle visibilité ça, lors d'une diffusion de l'infoman. Ah, regarde, bravo. Qu'est-ce qui va rester comme héritage? C'est bien beau tout ça, là, mais il va rester quoi, là? Ben moi, je te mentionnerais là, que ça a sûrement une influence importante sur les gens qui vont jouer à la pétanque au Québec. Parce qu'il y en a plusieurs personnes qui ont découvert ce sport-là en fin de semaine. Je peux vous dire que ces gens-là, ils m'ont dit, écoute, moi, j'ai le goût de jouer à la pétanque. La pétanque, on voit que ça t'amène de côté du sérieux, c'est vraiment intéressant. Ça a fait découvrir ce sport-là. Ça a démocratisé, selon moi, vraiment la pétanque au niveau du Québec. Puis, c'est sûr que ça va avoir des retombées à court, moyen et long terme, parce que des biens vont être quand même, avec la visibilité qu'on a eue, il va y avoir plusieurs touristes qui vont vouloir venir à des biens faire un tour, voir ce qui se passe là. Puis quand on va faire la festival des biens extrêmes, l'année prochaine, c'est la 10e édition du festival, les gens qui ont eu du plaisir en fin de semaine, outre la pétanque, sont venus assister à nos activités, ben, ils vont revenir l'année prochaine, c'est sûr. Est-ce que la barre va être haute, là? Ben, écoute, moi, là, j'ai déjà une idée. Je peux te dire de quoi. Si l'idée, elle fonctionne comme je le pense, ça va être encore plus fort que cette année encore au niveau de ce qui va se passer. J'ai une idée incroyable, ça va être vraiment... Bravo. Hey, on est sérieux hein, quand on dit qu'il faudrait que les maires soient à 10% de dynamisme que t'as. Peut-être que la région se porterait mieux aussi. Là. Mais il y a une affaire, par exemple, je remercie les maires des autres municipalités environnantes, puis les maires d'Alma, Robertval, Chambord, Métabéchon, Nagacois, ils m'ont supporté dans l'événement, ils m'ont appuyé avec des montants. Ils m'ont aidé pour les estrades. Toutes les municipalités m'ont aidé. Je peux te dire, ça a été une belle collaboration de tous. Puis c'est toute la région qui bénéficie de ça. On a la belle visibilité de la région. Puis écoute, il nous en faut des projets régionaux dans notre région pour la faire découvrir notre belle région. Moi, les gens, il y avait 45 pays dans le monde. Puis ils ont tous dit, vous avez une région exceptionnelle avec des gens, la chaleur humaine. Merci. On sait l'accueil des gens noirs, l'accueil des bleus. C'est reconnu. Mais là, les gens, ils l'ont dit carrément, puis ils ont vraiment aimé ça. Puis ils vont revenir. Il y a plein de gens là, qui prennent des vacances ici l'année prochaine. Il y avait des gens de la Belgique, il y avait des gens, un autre qui était de la Finlande. Écoutez, ça a été plaisant. C'est une belle expérience qu'on a vécu. Moi-même, j'ai vécu une belle expérience. On sort grandi à cause de ça. Ben, bravo encore une fois. Je te l'ai dit à peu près 10 fois, mais bravo, bravo, bravo. Puis Nicolas, c'est sûr. La couverture avant, tu nous as aidé avant l'examen, avant toute la partie de l'événement. Puis t'as bien compris rapidement, toi. Puis on voit que t'es un gars de sport, tu connais le sport. Parce que t'as compris que même la pétanque, même si t'es pas intéressé. Ça l'a amené de quoi à la région. Moi, c'est l'aspect économique que j'ai cliqué tout de suite. Puis l'aspect visibilité, j'ai cliqué tout de suite. Quand que. T'as dit championnat du monde diffusé en Europe. Puis il faut aller. Faut connaître les autres pays, hein. Dans les pays asiatiques, c'est très, très fort la pétanque. En France, c'est extrêmement fort. Troisième sport le plus pratiqué en France. Donc, tu sais, quelque part, là, c'est pas rien non plus. Là. Donc, merci encore. Puis au plaisir de te reparler pour notre nouveau projet Débien Extrême 2020. Merci beaucoup. Donc, Nicolas Desbiens, le maire de Desbiens.